ces conditions, que ces sortes de femmes appellent la chance, se réalisent assez difficilement à Paris, quoique ce soit une ville pleine de millionnaires, de désœuvrés, de gens blasés et à fantaisie. La Providence a sans doute protégé fortement en ceci les ménages d'employés et la petite bourgeoisie, pour qui ces obstacles sont au moins doublés par le milieu dans lequel ils accomplissent leurs évolutions. Néanmoins, il se trouve encore assez de Madame Marneffe à Paris pour que Valérie doive figurer comme un type dans cette histoire de mœurs. De ces femmes, les unes obéissent à la fois à des passions vraies et à la nécessité, comme Madame Colleville, qui fut pendant si longtemps attachée à l'un des plus célèbres orateurs du côté gauche, le banquier Keller. Les autres sont poussées par la vanité, comme Madame de la Baudraye, restée à peu près honnête malgré sa fuite avec Lousteau. Celles-ci sont entraînées par les exigences de la toilette, et celles-là par l'impossibilité de faire vivre un ménage avec des appointements évidemment trop faibles. La parcimonie de l'État ou des chambres, si vous voulez, cause bien des malheurs, engendre bien des corruptions. On s'apitoie en ce moment beaucoup sur le sort des classes ouvrières. On les présente comme égorgées par les fabricants. Mais l'État est plus dur 100 fois que l'industriel le plus avide. Il pousse, en fait de traitement, l'économie jusqu'au non-sens. Travaillez beaucoup, l'industrie vous paye en raison de votre travail. Mais que donne l'État à tant d'obscurs et dévoués travailleurs ?